les ouvriers. L'organisation sociale et économique de la termitière est beaucoup plus étrange, plus compliquée et plus déconcertante que celle de la ruche. On trouve dans la ruche des ouvrières, du couvain, des mâles et une reine qui n'est au fond qu'une ouvrière dont les organes reproducteurs se sont librement développés. Tout ce monde se nourrit du miel et du pollen récolté par les ouvrières. Dans la termitière, le polymorphisme est plus surprenant. D'après Fritz Müller, Grassi et Sandias, classiques de la termitologie, on compte de 11 à 15 formes d'individus issus d'eux en apparence identiques. Sans entrer dans le détail compliqué et trop technique de certaines de ces formes, que faute de mieux on a nommées formes 1, 2 et 3, nous nous bornerons à étudier les trois castes, qui du reste comprennent des subdivisions, et qu'on peut appeler la caste laborieuse, la caste guerrière et la caste reproductrice. Dans la ruche, nous le savons, la femelle règne seule, c'est le matriarcat absolu. À une époque préhistorique, soit par révolution, soit par évolution, les mâles ont été relégués à l'arrière-plan et quelques centaines d'entre eux sont simplement tolérés durant un certain temps comme un mâle onéreux mais inévitable. Sortis d'un œuf semblable à ceux dont naissent les ouvrières mais non fécondées, ils forment une caste de princes fainéants, goulus, turbulents, jouisseurs, sensuels, encombrants, imbéciles et manifestement méprisés. Ils ont l'œil magnifique mais le cerveau très étroit et sont dépourvus de toute arme, ne possédant pas l'aiguillon de la travailleuse qui au fond n'est que l'oviducte qu'une virginité immémoriale a transformé en stylet empoisonné. Après les vols nuptiaux, leur mission accomplie, ils sont massacrés sans gloire, car les vierges prudentes et impitoyables ne daignent pas tirer contre une telle engeance le poignard précieux et fragile réservé aux grands ennemis. Elles se contentent de leur arracher une aile et les jettent à la porte de la ruche où ils meurent de froid et de faim. Dans la termitière, une castration volontaire remplace le matriarcat. Les ouvriers sont ou mâles ou femelles, mais leur sexe est complètement atrophié et à peine différencié. Ils sont totalement aveugles, n'ont pas d'armes, n'ont pas d'ailes. Seuls, ils sont chargés de la récolte, de l'élaboration et de la digestion de la cellulose, et nourrissent tous les autres habitants. Or, eux, aucun de ces habitants, que ce soit le roi, la reine, les guerriers, ou ces étranges substituts et ces adultes ailés dont nous reparlerons, n'est capable de profiter des vivres qui se trouvent à sa portée. Ils mourraient de faim sur le plus magnifique tas de cellulose, les uns comme les guerriers, parce que leurs mandibules sont tellement monstrueuses qu'elles rendent la bouche inaccessible, les autres, comme le roi, la reine, les adultes ailés qui quittent le nid, et les individus mis en réserve ou en observation pour remplacer au besoin les souverains morts ou insuffisants, parce qu'ils n'ont pas de protozoaires dans l'intestin. Les travailleurs seuls savent manger et digérer. Ils sont en quelque sorte l'estomac et le ventre collectif de la population. Quand un termite, à quelque classe qu'il appartienne, a faim, il donne un coup d'antenne à l'ouvrier qui passe. Aussitôt celui-ci fournit au solliciteur en bas âge, c'est-à-dire susceptible de devenir roi, reine ou insecte ailé, ce qu'il a dans l'estomac. Si le quémandeur est adulte, le travailleur se tourne tête bêche et lui cède généreusement ce que contient son intestin. On le voit, c'est le communisme intégral. Le communisme de l'ésophage et des entrailles, poussé jusqu'à la coprophagie collective. Rien ne se perd dans la sinistre et prospère république où se réalise au point de vue économique le sordide idéal que la nature semble nous proposer. Si quelqu'un change de peau, soit défroque, est immédiatement dévoré. Si quelqu'un meurt, ouvrier, roi, reine ou guerrier, le cadavre est à l'instant consommé par les survivants. Nul déchet. Le nettoyage est automatique et toujours profitable. Tout est bon, rien ne traîne. Tout est comestible, tout est cellulose. Et les excréments sont réutilisés presque indéfiniment. L'excrément est du reste la matière première, si l'on peut dire, de toutes leurs industries, y compris, nous venons de le voir, celle de l'alimentation. Leurs galeries, par exemple, sont intérieurement polies et vernissées avec le plus grand soin, et le vernis employé est exclusivement stercoral. S'agit-il de fabriquer un tuyau, d'étayer un cheminement, de construire des cellules ou des loges, d'édifier des appartements royaux, de réparer une brèche, d'obturer une fissure par où pourrait se glisser un filet d'air frais, un rayon de lumière, choses entre toutes épouvantables, c'est encore aux résidus de leur digestion qu'ils recourent. On dirait qu'ils sont avant tout des chimistes transcendantaux dont la science a surmonté tout préjugé, tout dégoût, qui ont atteint la sereine conviction que dans la nature rien n'est répugnant et que tout se ramène à quelques corps simples, chimiquement indifférents, propres et purs. En vertu de la surprenante faculté de commander aux corps et de les transformer selon les tâches, les besoins et les circonstances que possède l'espèce, les ouvriers se divisent en deux castes, les grands et les petits. Les premiers, pourvus de mandibules plus puissantes, qui croissent leurs lames comme des ciseaux, vont au loin par les chemins couverts dépecer le bois et autres matières dures en vue du ravitaillement. Les seconds, plus nombreux, restent à la maison et se consacrent aux œufs, aux larves, aux nymphes, à l'alimentation des insectes parfaits, à celle du roi et de la reine, aux magasins et à tous les soins du ménage.